Alors bonjour, alors merci d'avoir bravé la tentation du soleil, parce que c'est une... Bon, il y en a quand même un peu plus que ce matin. Hein. Donc c'est la deuxième causerie du cycle musique populaire en Bretagne. Alors, pour la petite anecdote, tout a commencé d'ailleurs avec un contact avec Gilbert. Puisque lorsque Sylviane Letty avait fait une petite note dans notre blog, hein, le blog de Plozarche, sur ses souvenirs d'été en 65, elle avait mentionné qu'il y avait un scopitone, au bar des vaisseaux, du vaisseau des droits de l'homme. Et il avait laissé un petit commentaire, je crois, c'est ça. Et alors moi, comme je suis curieux, j'ai été voir qui c'était, Gilbert Cariou. Et j'ai vu par le web qu'il avait participé à un livre sur la musique électrique en Bretagne. 50 ans. Voilà, 50 ans du rock. Et qu'il préparait un livre sur le rock bigoudin. Alors, on a eu un échange de mails et un échange, disons, de commentaires dans notre blog, et on s'est dit, mais après tout, pourquoi ne viendrait-il pas parler de son travail autour du rock bigoudin lors de ce qu'on avait imaginé, disons, faire un cycle de causerie. Mais l'idée, c'était effectivement qu'on ne fasse pas uniquement sur la période de rock des années 60-70, mais qu'on essaye d'enraciner ça dans toute l'histoire, enfin dans une histoire de la musique populaire ici. Et c'est de là qu'est venue l'idée de ce cycle où donc Gilles a commencé, lui continue la période donc, des années 60. Après, on va traiter de la période du revival, hein, du rock celtique en gros, et puis la mode aussi des chants de marins qui va avoir lieu au mois d'août. Voilà un peu pour l'introduction. Et puis, alors je signale deux choses aussi, c'est que Anne a amené des livres, je crois. Hein, donc, voilà, pouvez regarder, acheter et les faire dédicacer. Et puis Gaëlle, tu... C'est juste pour nous rendre un petit service, en fait, pour savoir comment communiquer au mieux. On voulait savoir comment vous aviez eu connaissance de cette causerie. Donc, si vous pouviez nous mettre des petites croix dans le tableau que je vais vous faire passer là, et ben, ça serait très gentil. Voilà, merci. Bonjour à tout le monde. Je vais vous parler du rock. Mon intervention, je vais la diviser en deux grandes parties. Je vais vous rappeler quelques grandes données sur l'arrivée du rock aux États-Unis, de manière à resituer un peu dans son contexte, après son arrivée en France, son arrivée en Bretagne, et après au PMU. Et après, dans une deuxième partie, je rentrais dans le dur, c'est-à-dire je vais parler plus particulièrement du pays bigoudin, donc son tissu musical, ses groupes de rock, ses festivals. Donc on va ponctuer ça avec une projection d'images et d'extraits musicaux. J'ai demandé à André Dikeloudic, qui est ici avec moi, il pourrait l'interroger aussi. Lui, c'est un musicien garanti d'époque. Il a participé, il fait partie de plusieurs groupes dont on va voir les photos ici. Donc il interviendra aussi quand vous voudrez bien le questionner ou... quand je lui donnerai la parole aussi. Donc, je vais commencer cette première partie en vous parlant du rock'n'roll, de sa naissance aux États-Unis. C'est un genre musical qui est apparu dans les années 50 aux États-Unis. Ses racines, on les trouve dans deux genres musicaux, hein, qui étaient présents bien avant, fin du 19e siècle, début du 20e. Le premier genre musical qui est à la source du rock'n'roll, c'est la country. La country, je vais vous présenter un des chanteurs les plus connus de country de l'époque, Hank Williams. C'est un enregistrement qui date du début des années 40. Hein. Il est les chanteurs de country, on le reconnaît bien. Ils ont tous un chapeau de cowboy. Voilà, c'est lui, Hank Williams. Voilà, voilà ce que une des racines musicales du rock and roll, c'est la musique country. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the payroll down the bio. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Voilà, ça c'est un enregistrement qui date de 1952. Le genre, la country, c'est un genre qui est venu avec les immigrés, hein, les immigrés européens qui sont venus peupler notamment les Appalaches. Cette musique, là vous voyez, il y a du violon, c'est une musique déjà qui est assez élaborée quand même. Hein. C'est, pour simplifier, c'est la musique des cow-boys, hein, en gros, quoi. Voilà. Deuxième genre aussi, alors lui qui a un rôle aussi très important, c'est le blues. Le blues, c'est la musique, schématisée un peu, des esclaves hein, qui travaillaient dans les plantations de coton dans le sud des États-Unis. C'est ce qu'on entendait ici dans le delta du Mississippi. Voilà. Un des bluesmen les plus influents, c'est Muddy Waters. C'est celui que vous entendez là. C'est un bluesman qui est né dans le Mississippi. Il a migré vers le nord, vers la ville de Chicago. La ville de Chicago, c'est-à-dire quand il y a eu la Grande Dépression en 1929, beaucoup de Noirs sont remontés vers les cités industrielles pour trouver du travail. Ils ont emporté dans leur valise leur musique. Donc là, c'est un blues électrifié déjà, hein, le blues de Chicago. C'est le père du blues de Chicago, c'est un des musiciens qui a eu le plus d'influence sur notamment les rockers anglais. Hein. Les rockers anglais, à commencer par les Rolling Stones, qui ont choisi leur nom de groupe. C'est un titre d'une chanson de Muddy Waters qui s'appelle Rolling Stone. Il n'y a pas que, et après il y a des bluesmen comme John Mayall, Eric Clapton, les Animals, beaucoup de groupes anglais qui ont déferlé sur le monde se sont inspirés de la musique de Muddy Waters. Donc, à côté de ce blues de Chicago, à l'origine du rock'n'roll, il y a un blues qui est un peu plus remuant, qu'on appelle le rhythm and blues. Ce qui est apparu à la même époque. Je vais vous faire passer deux musiciens qui sont représentatifs du rhythm and blues de l'époque. Il y a Rufus Thomas, qui est un bluesman aussi du Mississippi. You know what you said about me, don't you, woman? Well, you ain't nothing but a bad cat. Been scratching at my door. You ain't nothing but a bad cat. Been scratching at my door. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more. Ça, c'est un you said you was a long hair. Un enregistrement de 1945. Une autre forme de rhythm and blues un peu plus élaborée qui s'inspire un peu du jazz, c'est Big Joe Turner. Tu peux le mettre en Big Joe Turner, ça vous rappelle, ça fait un peu le swing. Bon, ça, ce sont des bluesmen qui n'ont pas été vers Chicago, c'est plutôt des bluesmen qui sont partis vers New York. Là, on sent déjà l'influence du jazz. Et tout ça, c'est les racines du rock'n'roll. Hein. Voilà. Caledonia. Donc vous avez d'un côté la musique. Bon, pour bien comprendre après ce qu'avait le rock and roll à partir de ces racines-là, il faut avoir bien en mémoire qu'il y avait à l'époque la ségrégation raciale aux États-Unis. C'était pas rien quand même. Donc vous aviez les Noirs, pour simplifier toujours, avaient leur station de radio, leur salle de spectacle, leur hit parade, Et d'un autre côté, il y avait la musique blanche de la country qui avait aussi ses vedettes, ses stations de radio, ses music halls. Hein. Donc ça vivait en parallèle. La personne qui va faire la synthèse de ces deux courants, c'est Elvis Presley. Voilà. Elvis Presley qui va enregistrer le 5 juillet 1954, ce qui est considéré comme le premier morceau de rock'n'roll. Right, c'est That's Alright Mama, c'est ça. That's alright for you. That's alright mama, just any way you do it, that's alright. That's alright. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose. Comment ? Voilà, ça, ça a été enregistré le 5 juillet 1954. Ça, c'est une date mythique de l'histoire du rock. Ça a été enregistré dans les studios Sun de Memphis. Pour l'anecdote, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Aux États-Unis, à cette époque-là, pour quelques dollars, on pouvait enregistrer des disques en acétate, quoi. Pas très très cher. Il est allé dans ce studio Sun à Memphis, Elvis, le petit camionneur qui avait 19 ans, pour l'anniversaire de sa mère. Il lui a dit, je vais lui préparer un petit disque pour lui offrir. Il tape dans l'œil de la secrétaire du studio, qui parle à son patron, Sam Felix. Après, il y a un petit gars qui est venu, il chante pas tout à fait comme les autres. Il a quelque chose, bon, faudrait que tu le revoies, qu'il lui dise. Bon. Les mois passent, comme Sam Felix, les studios Sun à Memphis, cherchaient un chanteur qui balance un peu, qui fait un peu de rhythm and blues, pour simplifier, ils le convoquent. Ils enregistrent deux titres et ça donne pas trop satisfaction au directeur du studio. Et entre deux prises, il est avec les deux musiciens, là, Scotty Moore, le guitariste, et Bill Black, le contrebassiste. Ils improvisent une chanson, c'est-à-dire ce qu'on vient d'entendre, That's Alright Mama, à l'origine, c'est un blues d'Arthur Crudup, qui se joue beaucoup plus lent, quoi, hein, d'une manière beaucoup plus lente. Et ils font ce qu'on dit aujourd'hui, un bœuf, ils improvisent, ils passent le temps entre deux prises, et ils jouent ce blues, comme on vient de l'entendre. Là. Il dit, oh là là, Sam Phillips, il dit, ça y est, oh là, qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, ça y est, j'ai trouvé un blanc qui chante comme un noir. Comme ça, un peu par hasard, quoi. Il faisait le bœuf, il entend, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est nouveau, c'est innovant. Hop, c'est bon. Il passe dans la pièce à côté. Les studios Sun de Memphis, c'est ça, quoi. C'est ça, à peu près, en gros. Hein. C'est ça, au bout d'une rue, là. Et il dit, ça y est, il met en boîte ce titre-là, il court dans les radios de Memphis, et les auditeurs appellent, tout ça, ça devient un très très gros succès en quelques semaines. Hein. Et c'est comme ça que ça a démarré. Voilà, Elvis a démarré comme ça, c'est un peu par hasard, quoi. Il y a un coup de chance comme ça. Et le rock après Elvis donc, va enregistrer d'autres titres, il va quitter les studios Sun, il va vers des firmes de disques beaucoup plus importantes. Et dans cette période, donc 55-60, le rock va se développer. Là, je vais vous montrer pour mémoire les principaux pionniers du rock après Elvis, hein, qui vont prendre le train en marche, plus ou moins. Il y a Bill Haley, son gros titre, c'est Rock Around the Clock. Bill Haley, Chuck Berry, hein, Chuck Berry, voilà, il y a des blancs, il y a des noirs. Disons que Elvis a réussi à faire danser les noirs et les blancs, quoi. Hein. Il y a une dimension politique au rock'n'roll aussi, hein. Il a quand même ébranlé pas mal la ségrégation raciale. La musique est quand même... Bon, on ne va pas parler de Martin Luther King, mais c'est sûrement à approfondir ça. La musique dans la fin de la ségrégation, c'est pas rien. Hein, parce qu'ils étaient vraiment séparés. Et là, vous voyez, regardez, les pionniers du rock, ils vont être écoutés. Alors là, par les blancs et pas les noirs. Vous avez vu Bill Haley qui est un blanc, Chuck Berry qui est un noir, Buddy Holly qui est un blanc... Eddie Cochran, voilà, ceux-là ont jeté les bases du rock and roll, quoi. Jane Vincent, qui est un blanc. Le Little Richard, Jerry Lewis. Hein, donc vous avez du rock avec des pianistes comme Little Richard, comme Jerry Lewis à la guitare, Chuck Berry, Bill Haley, tout ça. Donc le rock va se développer d'une manière importante avec son côté subversif. Hein. C'est quand même pas des enfants de cœur, tous ces rockers. Hein. Chuck Berry va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des problèmes de mœurs. Hein, il va faire 2 ans de tôle. Tout ça, c'est dans les années 50-60. Jerry Lee Lewis aussi va se marier avec sa cousine de 13 ans. Ça ne s'appelait pas trop à l'Amérique profonde. Hein. Donc le rock va avoir beaucoup de difficultés. Il va y avoir une poussée de croissance du rock en 57-58 et après il va tomber. Certains de ces rockers qu'on va voir ont un destin aussi qui va être brisé. Buddy Holly va avoir un accident d'avion à 22 ans. Eddie Crocan a un accident de voiture à Londres, il va y laisser la vie. Jane Vincent va être aussi accidenté dans cette même voiture dans la région de Londres. Et pour clôturer le tout, Elvis Presley va partir à l'armée en 58. Donc entre 54, 55 et 60, le rock, et surtout qu'il va être poussé, il va être, Elvis n'avait pas trop souvent de passer à la télé. Quand il passait à la télé, il fallait que le filmer jusqu'à la taille, parce qu'il avait un jeu de scène qui était un peu particulier. Donc, à la fin des années 60, le rock and roll des origines périclite aux États-Unis. Périclite, les médias font la promotion plutôt de chanteurs un peu plus soft comme Paul Anka. Voilà, on écoute plus souvent Sinatra qu'Elvis Presley après. Donc là, le rock des origines, c'est 55-60. Le terme de rock, rocker, c'est bouger, rock and roll, tournicoter, un peu tout ça. Et puis c'est souvent un double. Le terme de rock a été inventé par Alan Freed, c'est un disc-jockey de Memphis. Pour pas employer le terme de rhythm and blues, hein, il a dit bon, le rock and roll, c'est un peu le rhythm and blues des blancs, quoi, à l'origine. En gros, c'est ça, quoi. Ouais. Le terme de rock. Alors, dans mon exposé, là, je ne parlerai que du rock. Le rock a eu beaucoup de nuances, il a évolué. Le rock des origines, c'est ce qu'on appelle le rock'n'roll. Il y a même une petite branche annexe qu'on appelle le rockabilly, où il n'y a pas de batterie, il y a une contrebasse, une façon de jouer de la contrebasse. Il y a énormément de nuances. Hein, beaucoup, comme dans la country, il y a beaucoup de nuances aussi. Là, j'ai fait l'essentiel, quoi. Hein. La country, ce n'est pas que Hank Williams, bien sûr. Hein. Chaque région, un peu comme en Bretagne, chaque région a sa coiffe, chaque région des États-Unis, même à l'intérieur des Appalaches, il y a différentes nuances avec les instruments qui sont utilisés. Là, je donne les grandes données, quoi, hein, les grandes données. Voilà, en gros, c'est ça que tu voulais, le rock, oui. Tout rocker, c'est changer, rock'n'roller, chambarder, c'est ça l'origine, hein, en gros. C'est sûr que c'est surtout les Noirs, quoi. Ce que j'ai dit, c'est quand même un peu schématique, quoi. C'est pour aller à l'essentiel. Hein. La première chanson de rock and roll, le rhythm and blues. Certains vous diront que le rock était déjà dans le rhythm and blues des années 40. Moi, je vous présente ici. La première chanson de rock and roll, celle d'Elvis Presley, parce que Elvis Presley a quand même apporté quelque chose de mon point de vue. Il ne faisait pas du rock, du rhythm and blues, il ne faisait pas du blues, il ne faisait pas de la country, il apportait quelque chose. Et pourquoi que ça a mieux marché avec Elvis Presley, par exemple avec un gars qu'on a vu, Bill Haley, qui a déjà une trentaine d'années. Parce que le rock aussi est lié à une attitude, hein, l'attitude rock. Elvis Presley avait un look, c'était une gueule à la James Dean, quoi, hein, il plaisait aux filles, il a un jeu de scène. On ne peut pas dire du jour au lendemain, le rock and roll est né le 5 juillet 64 à Memphis. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un lent processus, un mélange de courants musicaux. Les spécialistes de rhythm and blues veulent dire c'est pas rock, c'est Rocket 88, une chanson d'Ike Turner de 1941, qui est le premier morceau de rock and roll. Quand je vous ai fait écouter Big Joe Turner, qui est un bluesman qui est allé vers New York, qui fait plutôt du swing, là vous avez tout ça. Toute la mélodie du rock, toutes les structures du rock, ce qu'on appelait après le rock and roll, quoi, hein, qui a diffusé dans les médias. Le rock and Elvis est arrivé aussi à une période de forte croissance économique. Les teenagers avaient un peu plus d'argent de poche, un peu comme chez nous, qu'on a connu ça une dizaine, 15 ans après, quoi. Hein. Il y a eu des innovations technologiques, il y a eu la télé qui s'est développée, le transistor aux États-Unis, mais 15-20 ans avant nous, 15 ans, une dizaine d'années. Le vinyle, le micro-sillon qui est à Paris. Avant, il y avait des 78 tours. Le micro-sillon vinyle, 45 tours, 33 tours, ça c'est apparu aux États-Unis après la guerre, qu'on a à la fin des années 50. Des innovations technologiques qui ont permis le fort déplacement du rock à cette époque-là, quoi. Hein. Les 78 tours, c'était de la gomme lac, et des disques lourds et cassants. Le vinyle, on enregistrait sur les 33 tours, je sais pas, 4, 5, 8 chansons.

trop de création, quoi. Les pirates, qu'est-ce qu'il y a derrière? Les fantômes, les champions, voilà. Et les vautours, j'en ai cité quelques-uns, il y en a bien, il y a eu des centaines. Disons que c'était les groupes qui ont pas mal tourné au niveau national. Voilà. Non, ils ont l'Europe, ça dépend. Si on faut distinguer, on va prendre les. Je vous dis, l'Angleterre. Non, ils se sont inspirés. Si vous prenez les Stones, on parle. Si on parle de la branche, bon, les Rolling Stones, non, il y a pas une perte de qualité. Je pense pas. Non, ils ont été inspirés par cette musique-là, ces bluesman, Chuck Berry. John Lennon a bien dit un jour que s'il fallait donner un autre nom au rock, il faudrait l'appeler Chuck Berry, quoi. Une perte de qualité en Angleterre, je pense pas. Alors, l'arrivée en France, c'est ça, c'est le yéyé, quoi. C'est le yéyé, un peu, c'est la vague yéyé qui a. Les rockers purs et durs n'ont pas fait carrière, ils ont été laminés. Ah oui, non, il n'y a pas. Le seul truc qui a marché de la vague yéyé, c'est un morceau qui me plaît beaucoup. J'ai mis le twist à Saint-Tropez des Chats Sauvages. Ça, c'est une création. C'est une création, ça, c'est français. C'est Salvi qui a fait la musique. Mais oui, ça, c'est un des seuls exemples. Le reste, après, c'est. Même le twist vient des États-Unis, hein, c'est Chubby Checker, Let's Twist Again. Même lui, Chubby Checker avait piqué à Hank Ballard. Ça vient des États-Unis, ça. Ça avait été lancé par Régine en France à l'époque. C'est vrai que la vague yéyé, ce n'est fait que d'interprétation. Pour revenir à une création musicale, entre guillemets, digne de ce nom, dans la jeune génération, il faut attendre l'année 66. L'année 66, ceux qui ont créé quelque chose, c'est Antoine. C'est Paul Naref. C'est Jacques Dutronc. Voilà. Là, on va avoir une pop à la française. Mais bien avant, non. Avant, non. Hugo Frey a paru. Bon, c'est un peu la branche folk. Je ne vais pas parler du folk ici, Hugo Frey. Mais bon, même Hugo Frey, ses gros succès, il a adapté toutes les chansons de Dylan, hein, de Bob Dylan. Non, c'est une caractéristique. C'est pour ça qu'on dit, putain, à l'époque, on faisait un disque tous les 3 mois ou même tous les 2 mois. Mais c'était des adaptations. Vous savez, c'est pas très. Alors d'autres vous diront que les blancs en rock'n'roll ont tout piqué au noir. C'est peut-être excessif, mais c'est pas faux non plus d'après ce que je viens de dire là. Ouais. Les textes. Antoine, lui, il a fait ses propres textes. Hein. Il n'a aucune adaptation, lui. Oui. Ah, dans l'autre sens. Rien. Non, rien. La France, le seul truc qui est dans l'histoire de la musique récente, il y a My Way de Claude François, quoi. My Way, qu'on s'appelle. Comment ça s'appelle? Comme d'habitude, voilà. Comme d'habitude est un exemple. Voilà, c'est un des seuls exemples. Hein. Antoine a eu, si vous parlez d'Antoine, oui, lui a du succès en Italie. Il a eu beaucoup de succès en Italie, oui. Notamment avec une chanson qu'il n'a jamais mise sur un disque en France, Pietré. Il a eu énormément de succès en Italie, Antoine. Ouais. Donc, on va arriver. Donc, je vous rappelle les quelques dates, les festivals du rock 61, deux festivals à Paris 61, la Grande Nuit de la Nation, où la vague yéyé a pris son envol. Hein. Yéyé, il faut quand même le signaler, expression inventée par Edgar Morin, quand même, hein, bien connu ici, hein, yéyé, justement, qui a fait 2 beaux articles à la suite de cette Nuit de la Nation, là, au mois de fin juin. Ces articles étaient en juillet 63 dans Le Monde. Donc c'est quand même pas rien, salut les copains, comme l'émission de radio, c'est pas rien. Donc cette vague yéyé va se perdurer jusqu'à aller 65, avant de voir des gens comme Dutronc, Paul Naref arriver. Quoi. Ouais. Donc en Bretagne, le rock va arriver aussi en 62. Non, je descends, hein, je suis parti de Paris, je reviens maintenant vers la Bretagne. La Bretagne, le rock est arrivé en 62 à peu près. Il est arrivé par Nantes. Nantes, il y avait la base militaire de Saint-Nazaire. Il y a ça, donc les Nantais, les jeunes teenagers nantais, ils écoutaient déjà ces disques de rock'n'roll par la basse à Nazaire. Il y a des Elvis qu'on n'entendait pas trop encore à la radio. Salut les copains, l'émission a été créée en 59. Il ne passait pas beaucoup de pionniers du rock comme Elvis à l'époque, hein, pas tellement. Hein. Donc le rock vient par Nantes. Et il va suivre. Il y a quelques groupes, je vais vous donner les noms des groupes de la région nantaise, bon, qu'on n'a pas vu beaucoup ici. Les Rapaces, non, je ne pense pas à vous donner grand-chose. C'était des. Alors, ces groupes nantais, les premiers groupes nantais, deux ou trois groupes, les Rapaces, ça me revient en mémoire, les Rapaces par exemple. C'est des groupes qui étaient influencés par les Shadows. Les Shadows, un rock instrumental anglais. Ceux-là ont créé quelque chose, par contre. Quand j'ai dit l'Angleterre, quand le rock a traversé l'Atlantique, il y avait quand même des belles choses à l'époque, comme les Shadows. Hein. Avant que les Beatles et les Stones balayent tout ça. Donc, des groupes de Nantes qui faisaient les premiers groupes de la région nantaise en 62, c'est des groupes influencés par les Shadows. Le rock, après, va continuer à pousser, mais progresser vers en suivant la côte atlantique. Après, on arrive à Vannes, un groupe qui s'appelait les Vénettes aussi, qui a pas mal tourné. Là, on est en 62-63 pour les Vénettes, avec un gars qui a fait carrière, Jean-Michel Schoenberg, qui jouait dans les Vénettes. Et c'est un pianiste, il faisait des morceaux un peu à la Ray Charles. C'est un des seuls groupes de Bretagne qui, à l'époque, a enregistré un disque, en 64, les Vénettes. Après, il descend, on va à Lorient, on a des groupes. Et vous remarquez quand même Saint-Nazaire, après on va arriver à Lorient, on va remonter à Brest après, c'est les ports. Hein. Les ports, dans l'histoire du rock, c'est pas rien. Hein. Les Beatles sont comme nés à Liverpool. On grandit musicalement à Hambourg. Les ports ont un rôle important dans la saga, hein, dans la saga rock, tout en Europe. C'est pas rien. Les ports, oui, beaucoup. Alors Lorient avait un groupe, les Dolmens, qui a bien des frères Hervé, les frères Hervé qui vont donner plus tard Zou. C'est pas rien, qui vont enregistrer avec Léo Ferré. Après, il faut remonter à Brest. Vous avez des groupes en 62-63, les Blue Shed, les Blue Shed, Nico Louis, les Loups Noirs et Nico Louis, ouais, deux groupes, ça c'est les premiers groupes de Brest. Et après, bon voilà en gros. Donc alors, en gros, allez, on va dire Nantes, Saint-Nazaire, Lorient, on remonte à Brest. Après, là, il y a quelques groupes à Saint-Brieuc, mais moins. Il y avait les Strauss qui sont venus un peu plus tard, mais disons, c'est trois grandes villes, hein, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, qui ont été les premiers à faire du rock. Rennes, et capitale de la Bretagne, au moins économique, ça bougeait pas. Il y a les Spirales, les Atlas. Rennes n'est pas une ville rock de très très loin par rapport à une ville comme Brest, quoi. Rennes, il se passait pas grand chose. Il n'y a pas de salle, pas trop de salle de danse, il n'y a rien du tout. Non, le rock à Rennes, le rock a été sur le littoral en Bretagne, et sur les ports, les grands ports. Bon, voilà, ça c'est 62-63, l'arrivée du rock en Bretagne. On va maintenant descendre au Pays Bigoudin. Alors nous, il a fallu qu'on ait 62 aussi, on a les petits Bigoudins, ils ont entendu le rock live pour la première fois. Alors, ça s'est passé à Pont-l'Abbé le 15 août 1962. Et sous le chapiteau du Cirque Pinder, c'est la première là, c'est entre les trapézistes et les lions qu'on a entendu du rock, nous les Bigoudins, les Pont-l'Abbistes en tout cas. Voilà, c'était Danny Boy et ses pénitents. Voilà ce qu'ils chantaient sur scène à Pont-l'Abbé, une des chansons. Et c'est tout comme, c'est une adaptation de Mess of Blues d'Elvis. La main qui montre le ciel noir, mes yeux qui voudraient te voir. Mais tu n'es pas revenu, et ce temps perdu, c'est tout comme un cœur qui ne bat plus. On est en 62. On est en 62. Donc voilà, Danny Boy et ses petits-enfants. Ça c'est, alors là, c'est entre les trapézistes et la cage au lion. Hein. Donc le serpent d'air, il montait une scène. Je sais pas, c'était en deuxième partie, Dick, non, je ne me rappelle plus trop. Ouais. Ouais. Ouais, en deuxième partie, ouais. Et voilà. Donc, ce chanteur-là a fait une tournée de 8 mois avec le Serpent d'Air. Le Serpent d'Air était donc le rock était présenté là comme une attraction, comme le magicien, le jongleur, le rock qui faisait partie de voilà. Du, il est venu chez nous les Bigoudins. Là, il est venu par le Serpent d'Air. Alors le Serpent d'Air a fait une tournée de 8 mois. Et c'était, il était assez connu, plutôt plus connu que Johnny, hein, Johnny Danny Boy. C'est pas par hasard que le Serpent d'Air l'avait pris en tournée. Hein. Et moi, il m'a dit, Danny, il a regretté après coup parce qu'il a fait 8 mois de tournée. Il était absent de Paris pendant 8 mois. Il a été 8 mois. C'est à cette époque-là, c'est fou, oh là là. C'est énorme, hein, c'est long. Il y a des nouveaux groupes qui arrivaient tous les 2 mois à l'époque quasiment. Il est resté 2 mois avec Pinder. Il dit ça m'a brisé. Tout compte fait, on me connaît encore aujourd'hui, on parle de moi encore aujourd'hui, mais ma carrière a été laminée. Hein. J'ai quitté Paris 8 mois, on m'a oublié et puis voilà. Ouais. Voilà, c'est des... Et alors maintenant, il rechante encore. Hein. Il est reparti sur les routes un peu, il doit avoir 70 ans de niveau, il n'y a pas de problème. Ouais. Avec ses pénitents, bon, pour la petite histoire, il mettait une cagoule, c'était des malgaches. Ces musiciens sont des malgaches, ils étaient un peu basanés, ils étaient des fils de diplomates qui faisaient leurs études à Paris, et pour ne pas être reconnus par leurs parents, ils mettaient sur scène une cagoule. Voilà, c'est ça un peu la petite histoire. Bon, les cagoules étaient à la mode aussi, quand on faisait du catch et tout ça, l'ange blanc. Les catcheurs mettaient des cagoules des fois, mais pour la petite histoire, je pense que c'est vrai, ils continuent à la confirmer. C'est des malgaches qui sont là, hein. Donc voilà, donc il faisait des rocks, bon, on l'entend pas, des adaptations, que des adaptations aussi. Voilà. Donc alors, ce jour-là, le rock, ça a déclenché pas mal de vocations chez les jeunes de voir un vrai rocker comme ça à Pont-l'Abbé au cirque. Et certains bigoudins se sont mis à tripoter un peu la guitare électrique. Là, vous avez... Le premier groupe qui a une guitare électrique, le premier groupe de rock, on va dire, à Pont-l'Abbé, Bigoudin. Je n'ai pas trouvé d'autre. Hein. C'est un groupe de Pont-l'Abbé qui est de 64, avec André Cariou à la guitare, et Jean-Luc Signor à la batterie, et puis Dédé Gouzien à l'accordéon. Alors, Dédé Gouzien, c'était un fils d'électricien. Il a 12-13 ans. Hein. Il faisait de la musique, il a des petites prestations, hein, Dick. Ça c'est d'une guitare Framus qui a été achetée à Vannes, c'était déjà pas mal. Hein. Le batteur, il a récupéré un tambour à la fanfare de la JA à Pont-l'Abbé. Et il s'appelle les Creepers. Les Creepers, voilà en haut, là, sur la porte de garage. Voilà ce qu'on peut considérer comme le premier groupe qui faisait un peu de rock au Pays Bigoudin. Voilà. Alors, regardez le matériel. Le matériel, ils étaient relativement bien placés parce que c'est un fils électricien. Donc il y a un petit ampli. Autrement, ils utilisent le poste de radio chez la grand-mère ADD Cario. Et voilà, qui sert d'ampli. C'est ça, quoi. Hein, il y a un petit truc. Mais bon, c'est un fils électricien et tout le monde n'avait pas ça, hein, quand même. Tout le monde n'avait pas ça. Donc ça me donne l'occasion de parler du matériel qui était un gros, gros, gros problème. Dick, tu pourras dire un mot après. Le matériel, c'est très très difficile de trouver des guitares à l'époque. Et pourtant, la Bretagne a été assez bien placée. Bon, enfin, déjà de l'argent, hein, c'est pas donné quand même, c'était pas donné à l'époque. Mais la Bretagne a été, par rapport à d'autres régions de France, bien placée. Parce qu'il y avait à Gourin un magasin, Sévénéan. Gourin, il y avait une tradition de relation. La moitié des Gourinois allaient travailler en Amérique. Hein, il y a une tradition d'échange entre les États-Unis et la ville de Gourin. Et là, il y avait un magasin, qui est notamment Sévénéan, qui avait des guitares électriques, les plus belles guitares. Oui, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais Elvis aussi, le rock aux États-Unis, parmi les innovations technologiques importantes que j'ai oublié de signaler, c'est l'invention de la guitare électrique quand même. Faut pas oublier ça, l'invention de la guitare électrique. Bien sûr, les jazzmen électrifiaient leur guitare. Alors, ils mettaient des micros sur des caisses. Mais ce que j'appelle la vraie guitare électrique, chez Fender, par exemple, c'est né à cette époque-là, quoi. quelques années, la première premières années, 1950, 1955, à peu près. Donc le rock a eu une guitare électrique. C'était pas rien non plus, c'était une innovation technologique importante. Bien sûr, tu me diras, dans les années 20, il y avait des jazzmen qui avaient aussi, mais c'est pas pareil. Là. Fender a fabriqué un matériel qui était adapté au rock, à la guitare. Voilà, vraiment, l'électricité était à la base de la réfection pour la fabrication d'instruments, l'électricité. Donc, la Bretagne, donc le magasin Cévenéan, avait parmi des fois des guitares, des très très belles guitares électriques Fender avant Paris. Et pendant, il existe encore aujourd'hui, le fils, il y a encore les descendants de M. Cévenéan, le père qui a créé ce magasin-là à la fin des années 50. Et donc, toute une génération de musiciens allait acheter son matériel-là. Il y avait du très très bon musicien, pas besoin d'aller à Paris. Caractéristique de la Bretagne aussi, on n'avait rien à envier à la capitale. Rien à envier à la capitale sur le plan du matériel. Cévenéan, dans le trou du cul du monde là-bas à Gourin, avait du très très très bon matériel. Et des décennies. Oui, et je vais passer. Dick va dire un mot là-dessus. Bonjour. Bon, il faut ajouter aussi que M. Cévenéan était musicien également. Donc il animait des bals dans toute la Bretagne, déjà à l'époque. Et donc le fait qu'il soit musicien, qu'il soit de Gourin, lui permettait, donc, d'après ce que vient dire Gilbert, d'avoir tout ce qui était matériel Fender, Gibson, etc. Et ceci à des prix meilleurs qu'à Paris et beaucoup plus de matériel qu'à Paris. Parce qu'à l'époque, donc, au milieu des années 60, on s'équipait tous là-bas, tous sans exception. Et on trouvait tout ce qui était ampli Fender, déjà à l'époque. Or, on regarde comment les chaussettes noires, pas les chats sauvages. Les chats sauvages étaient une exception parce qu'ils étaient du midi. Dans le midi, il y avait également cette exception-là. Mais même les orchestres, les groupes parisiens n'avaient pas de matériel Fender, ni Gibson. Et nous, on avait tout ça à notre disposition. C'est quand même assez grandiose, faut le dire. Ça marchait tellement bien que qu'on a fini par organiser un festival du rock ici en 66. Ça s'est passé au patronage laïque à Pont-l'Abbé. Voilà, c'est là qu'a eu lieu ce premier festival de rock le 27 mars 1966, qui s'avère être le premier festival de rock organisé en Bretagne. C'est un peu l'ancêtre des vieilles charrues. C'était avant Rennes, avant Brest, avant tout ce que vous voulez, Lorient. Non. Le premier festival de rock en Bretagne, il est là, il est à Pont-l'Abbé. 27 mars 1966, organisé à l'occasion de le dixième anniversaire de la quinzaine commerciale. Par l'Union des commerçants à Pont-l'Abbé. Le plateau artistique, les groupes avaient été mis en place par un dénommé Texte, Xavier Tenon, appelé Texte. Texte était quelqu'un d'important dans l'histoire du rock en Bretagne. Il était représentant d'une maison de disques et à ses heures perdues, mais ça lui demande beaucoup de boulot, il plaçait des groupes comme ça. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu es venu foutre à Pont-l'Abbé ? Putain, tu es de Rennes, pourquoi tu veux organiser un festival de rock en Bretagne ? Il m'a dit, pour une raison, je vais te dire, mon meilleur client était la maison de la presse à Pont-l'Abbé, chez Pierrick Poulain. Pierrick Poulain, bon, je connaissais un peu Pont-l'Abbé, c'était mon plus grand vendeur de disques en Bretagne, à Pont-l'Abbé. C'est chez lui qu'on fait les meilleures affaires, qu'il m'a dit. C'est le magasin qui est dans la grande rue, où il y a le hall de la presse, où il y a maintenant Noir et Blanc, là, le magasin de télé. C'était là qui était à l'angle, un des plus grands magasins de disques. Les Bigoudins achetaient beaucoup de disques. Même la maison de la presse, à l'époque, on trouvait même le Melody Maker. On trouvait la presse musicale anglaise dans les années 64-65 chez Pierrick Poulain à Pont-l'Abbé, hein, je vous le dis. Pour trouver le Music Hall Espels à Paris, il fallait aller au drugstore des Champs. Et nous, on l'avait ici à Pont-l'Abbé. Hein. La Bible musicale anglaise de l'époque. Donc voilà, vas-y, tu pousses. Voilà, quelle est l'ambiance, c'était l'ambiance dans la salle. Vous voyez un peu. On est en 66, un costume cravate, il y a Dick, il est là, lui. Tiens, regardez-le. On est en 66, c'est le costard cravate encore. Hein. Voilà, il n'y a pas trop de filles, il y a quelques-unes devant. Voilà, ça c'est l'ambiance du festival de rock. Hein. Le premier, on a quand même le costume, les cheveux courts. Hein. On est quand même en 66, il n'y a pas trop de groupes Beatles encore. Hein. Mais voilà, donc voilà l'affiche du festival. Il y avait donc un groupe vedette qui venait de Paris, les Chris Men. Les Chris Men, un des musiciens des Chris Men, c'était un beau-frère à Tex. C'était un très bon groupe, c'était des musiciens qui étaient d'origine bretonne et qui tournaient dans la région parisienne, dans la banlieue. Mais ils ont été au golf, au Palladium, c'est pas du baratin. À l'époque, on baratinait. Ils ont fait le Golden Roll, Palladium, ils étaient très, très, très, très bons. Alors, il y avait un tremplin amateur, hein. C'était comme un concours de rock. Il y avait. Je passe les Blue Jeans et les Spirales, je vous dirai un mot après. Finaliste du Festival de Rennes, c'était les groupes de Rennes de l'époque. Il y avait les Jerry's de Concarneau, les Cratères, les Inutiles de Kimmort, les Abatros de Lorient et les Rocky Blues de Pont-l'Abbé qui vont faire là leur première scène. Les Blue Jeans et les Spirales de Rennes se sont décommandés au dernier moment quand ils ont su qu'il y avait les gars de Concarneau et de Quimper qui étaient parmi les meilleurs groupes de l'époque. Et s'ils sont là, on n'y va pas. On ne va pas faire 3 heures de route et perdre de l'argent. Et des orchestres de bal. Quand ils ont vu que là, c'était vraiment les Jerry's et les Cratères, c'était des groupes de rock. Hein. Les Spirales, les Blue Jeans, bon, ils finalisent du Festival de Rennes. Le niveau n'était pas élevé à Rennes. Hein. Quand ils ont su, quand ils ont su le matin qui passait là, ils ont dit non, on n'y va pas. Parce que venir de Rennes à Pont-l'Abbé à l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein. C'était une petite aventure. Hein. Les routes n'étaient pas celles qu'on a maintenant. Hein. Faut se remettre dans ce contexte-là. Hein. Donc voilà, la bagarre, donc le tremplin rock s'est déroulé avec ce qu'ils appellent les groupes régionaux. Quoi. Les Abatros de Lorient, c'est un groupe qui avait quelques cuivres. Bon, je ne vais pas vous les présenter, vous trouvez ça dans mon bouquin, si vous avez tous les détails de ces groupes. Je vais vous présenter les deux qui ont fini ex aequo, c'est les Jerry's et les Cratères. Ça, c'est les Rocky Blues sur scène au festival de Pont-l'Abbé. Hein. Voilà. Voilà les Cratères de Quimper. Les Cratères de Quimper. Voilà, ils ont voilà, ça c'est vraiment le guitare, basse, batterie, la formation de base rock. Hein. C'est un groupe qui faisait surtout qui était connu pour des. Ils ont un peu un look à la Stone, quoi, hein, à la Rolling Stone. C'est pas des. Ils faisaient beaucoup de chansons justement des Stones, quoi. Hein. Ouais. Et bon, à ce festival-là, il y a eu un inscrit de dernière minute, c'est Dan Arbraz. Voilà Dan Arbraz en 66 à peu près. Il était venu chanter, il jouait déjà avec les groupes, il faisait quelques balles avec les groupes comme les Cratères et tout ça, mais déjà à l'époque, il avait envie de devenir un chanteur solo. Donc il dit, moi j'y vais au festival de rock, mais je vais tout seul chanter. Alors il a chanté ce jour-là, avec son look là, les Élucubrations d'Antoine. Donc, les Élucubrations d'Antoine, c'est sorti début 66. Donc, il n'a pas tardé quand même. Hein. C'est sorti en décembre 65. Là, on est en mars 66. Donc, il reprend déjà ce succès-là avec le look qu'il a. Ma mère m'a dit, Antoine, de faire couper les cheveux. Toute la salle lui a gueulé. C'est déjà fait. Hein. Voilà. Bon, il n'avait peut-être pas le cravaque ce jour-là, mais il a continué. Il n'a pas avalé son harmonica pour autant. Hein. Voilà. Le Dan n'est pas sur l'affiche, mais il était au festival. C'est sa première grande scène au Dan, là. Il doit beaucoup au Bigoudin. Hein. Donc, voilà. Voilà. Ici, on a, pour moi, bon, sans porter de jugement sur la valeur de tous ces groupes, déjà une chose à remarquer, comme disait Dick, voilà, il y a du fin d'air. Ça, c'est déjà du gros matériel. Hein. Les Parisiens n'ont pas mieux. Hein. Les grands groupes n'ont pas mieux. Ceux qui passent au Gold Row, là, il y a déjà du beau matériel. Hein. Alors, ce groupe, c'est un groupe de Concarneau. C'est un groupe de Concarneau. Ils étaient bien placés et ils chantaient vraiment en anglais. Ceux-là. Ils étaient bien placés parce que le batteur Perru, il y avait de la famille à New York. Il y avait de la famille à Lorient qui leur envoyait des parties. Parce que trouver des partitions et tout ça, pour repiquer tous ces groupes-là, de l'époque, hein, dès que tu pourras dire un mot, on mettait les 45 tours à tourner en 33 pour piquer la mélodie. Hein. C'est comme ça quand il n'y avait pas de partition. Hein. Ou alors c'était très cher. Non, on n'en trouvait même pas ici. Je ne sais même pas si. Non, on n'en avait rien ici. Donc c'était en écoutant les disques que les plupart des groupes qu'on voit là piquaient les morceaux. Et chantaient souvent en yaourt, un faux anglais, quoi. On croyait qu'ils chantaient en anglais, mais ils chantaient ce qu'on appelle en yaourt, quoi. Tandis que ceux-ci, les Jerry's de Concarneau, avec le Marc Perru, ils avaient des partitions. Ils chantaient vraiment en anglais, là, ces loulous-là. Et ils étaient très bons. Ils vont finir ex aequo avec les cratères associés qui vont gagner le festival de rock. Et le premier prix de ce festival de rock de Pont-l'Abbé, c'était l'enregistrement d'un disque à la maison de la radio à Rennes. Donc là, ce que je vais vous faire écouter, c'est ils ont enregistré ce disque à Rennes à l'automne, après, là on est au printemps, mars 66. Et donc ils ont gravé deux reprises de Chuck Berry et deux reprises des Beatles. C'était des spécialistes des Beatles. Voilà, ça, c'est ce que vous entendez, c'est très rare. J'ai réussi à retrouver le vinyle, un tatin ou deux, c'est tout. J'ai mis sur scène. En 66. C'est pas mal, hein. Tout le monde connaît ce classique de Chuck Berry, mais bon, c'est 65. Hein. 66 à Pont-l'Abbé. Non, c'est dans l'ancien collector, vous avez écouté là. Donc les vedettes, c'était les Chris Men. Je vous le mets pour. C'était un très très bon goût. Ils ont enregistré. Ils ont été à Paris après. Ils ont été repérés à Paris et leur manager à l'époque a dit: vous venez de Bretagne, vous êtes d'origine de Bretagne, les Chris Men. Ça fait trop anglais, on va vous appeler les Gaéliques. Les Gaéliques. Allez, à Paris, on a dit, vous êtes breton, on va mettre les Gaéliques. Ils ont enregistré un disque. Ils ont enregistré un disque qui est aujourd'hui chez les collectionneurs en vinyle en Bretagne. Voilà. C'était un 45 tours qui vaut très très cher pour les collectionneurs aujourd'hui, quand on en trouve. Si vous voulez chasser tous les préjugés, voilà, donc les Gaéliques, si vous voyez cette pochette de disque là, récupérez là. Cette pochette, ce disque là, oui. Vous le vendrez bien sur eBay. Donc, alors, je vais vous montrer quelques photos, mais tout ça c'est détaillé dans le bouquin. Les groupes qui ont fait les beaux jours après de la région, certains plus ou moins importants, plus ou moins. Qui ont eu une durée de vie plus ou moins longue. Bon, ça, c'est les Adlandes de Pamar. Bon, on voit, c'est un peu. Ça, c'est des gars de 65-66. Voilà. Les Jackson de Pont-l'Abbé, une formation importante hein, qui a fonctionné pas mal. Avec Dick, si tu veux toucher un mot. Voilà, Dick est là. Il est le deuxième important de la gauche qui a été fondé par Kérom, Jacques Kérom. Voilà. Là, il y a le photographe Christian Leroy de Plonéour à gauche. Le dernier à gauche, c'est lui là, qui tourne encore, hein, qui fait des thés dansants maintenant. Bon, très bien. Ici, voilà le groupe de Plozévette. Les Clarks. Voilà. Alors, des beaux, le nom. Quand tu as joué un peu avec eux, il n'y a personne de. Pas d'amis à eux là, si. Ou des gens qui les connaissent. Si. Donc, il y a. Ah, bah oui. Il y a des. Bosser, ouais. Après, je sais plus comment il s'appelle. Non, Gemadec, c'est lui qui est à côté de Bosser. En haut, à gauche, ouais. C'est Henri Bosser. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Après, c'est André Bosser et Saliou. Oui, ok. Ouais, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec eux, notamment à Plozévette, pour une affaire, je sais pas si les gens s'en rappellent. Plozévette a été. Jumelé avec une ville d'Italie. Et ouais, dans les années, je ne sais plus si c'est en 66, non, 67 ou 68. Et à cette occasion-là, il y avait eu une soirée avec eux. Et il manquait du monde, donc ils m'avaient contacté pour jouer avec eux. Et ça s'était passé, comment dire, juste au stop, là, à gauche, comment s'appelle le restaurant ? Ticos, voilà, ça s'était passé à Ticos. Et donc ça, je ne me rappelle plus, c'était 67 ou 68. Et il y avait la télé italienne, la RAI, donc. Et donc, les Clarks sont vedettes de la RAI. Ça mérite d'être noté, hein. Non, bah je sais plus. Après, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Bah, comme beaucoup de groupes, bon, les gens se dispersent et puis bon, ils se perdent de vue. Les groupes cessent d'exister dans la mesure où personne n'était professionnel en fait. Hein. Donc c'était uniquement de la musique loisir. Faut pas l'oublier ça non plus. Donc, la plupart des groupes que vous avez vus, à part les Chrisman et quelques autres, tous les autres sont des gens qui faisaient de la musique dite loisir. Ça n'empêche pas la qualité, bien sûr. Hein. On est bien d'accord aussi. Parce que c'était quand même un énorme travail. Oui, alors justement, concernant les gens qui chantaient en yaourt. Bon, le yaourt, c'est parce que ben, les gens ne connaissaient pas l'anglais. Donc, ils le faisaient phonétiquement. Mais bon, ça ne voulait rien dire du tout, bien entendu. D'autant plus que pour l'écrire, ce n'était pas facile. Parce que le gros problème, effectivement, c'est qu'on ne trouvait pas de partition. On ne trouvait aucune partition de morceaux anglais dans toute la Bretagne. Même sur Paris, d'ailleurs, c'était très difficile à trouver. Alors, ce qui fait que, bon, quand on avait la chance de connaître l'anglais et d'avoir une bonne oreille musicale, il suffisait d'écouter le disque, où le 45 tours, on le tournait en 33 tours. Bon, et on passait des heures là-dessus, hein, parce qu'il fallait piquer les... C'était pas évident, hein. Surtout que, bon, en plus, même, comment dire, les Beatles, ils chantaient, souvent ils chantaient en cockney. Le cockney, c'est l'argot anglais. Alors là, c'est encore moins facile. Bon, les Américains, c'est pareil. Hein. Ils avalaient la moitié des syllabes. Alors, quelquefois... Ah oui, c'était la rame, là. Hein. Il fallait... Ah oui, oui, oui. Ah non, c'est pas ce qu'on apprenait au lycée, hein, ça, par contre. Voilà, donc, vous avez été représenté. Il y a un autre groupe, les systèmes. Les systèmes, c'est un... Alors là, on arrive... à des formations qui, là, on arrive à 66-67. Là, c'est quand l'arrivée du rhythm and blues aussi déferme sur le rhythm and blues, pas celui dont j'ai parlé pour les États-Unis, le rhythm and blues, Otis Redding, Wilson Pickett, voilà, ce type de rhythm and blues de la Talma Mountain, quoi, essentiellement. Donc, alors voilà, les groupes ont un peu évolué, se sont étoffés. Hein, voilà, il va parler l'arrivée d'une section cuivre. Ça, c'est il y a quelques. C'est une formation qui était importante. Hein, ils étaient bons les systèmes. Là, vous avez les Rocky Blues. Voilà les Rocky Blues qui avaient disparu. Hein, ils étaient. Lui, c'est Pierre Andreau des Rocky Blues qui est passé dans les systèmes. Ça, c'est Michel Bonne. C'était des Quimpérois. Dick, le trompettiste. Voilà. Voilà. Vous avez la soul music. Voilà. Blues sound, soul music. Voilà. Ça, c'était un groupe, par exemple, au bal du Bac à Quimper, qui était un sommet de la saison, le bal du Bac. Le bal du Bac, il y avait 2500 personnes à la salle des fêtes à Quimper, avec un groupe comme ça. Hein. C'est un gros truc. Voilà, les Jerry's. Alors, on a vu les Jerry's, formation type Beatles au festival de rock à Pont-l'Abbé, vers la fin des 60s. Là aussi, c'est une formation qui s'est étoffée. Il y a un organiste, il y a ici Michel Santangeli, qui était revenu dans le coin, c'est un batteur. Bon, alors, ces Jerry's est une des formations importantes aussi, hein, des Jerry's. Avec elle, attends, pardon, 30 secondes, il faut le citer quand même, hein, Lily Renard. Qui était un musicien, qui est Bigoudin, dont il faut retenir le nom, qui a fait beaucoup, beaucoup pour les jeunes rockers. Cette photo est comme bon, je vais quand même aller un petit peu vite, mais cette photo est intéressante. Là, il y a un mélange de générations. Ça, c'est important à retenir aussi. C'est ce qui s'est passé ici. Et à Paris, c'est dans la région parisienne, c'était pas comme ça. Les jeunes, les groupes de rock allaient au golf de Rouault, ils avaient obtenu le Graal, ils allaient dans les salles des fêtes. Ici, au Pays Bigoudin, vous avez un mélange de générations. Lily Renard, qui était un accordéoniste musette de très très bon niveau, il a eu le flair, ce garçon-là. Il a dit l'Europe et il voyait qu'est-ce qui s'était passé au Festival de Rock à Pont-l'Abbé. Il a eu du flair. Il a embauché des jeunes rockers. Des jeunes rockers, c'est-à-dire à son époque, au début des années 60, au 63-64, il y avait les balles musettes où il y avait un quart d'heure rock. On accordait à peu près un quart d'heure ou très peu de temps à musique rock. À partir de 66, ici, ça a balancé. C'était des balles rock où lui venait faire son quart d'heure musette. Donc, ce Lily Renard, si je prends celui comme exemple, un musicien important, lui, il avait un carnet d'adresses, c'est-à-dire du Lily indique. Lily Renard, du 1er janvier au 31 décembre, il avait rempli tout. Il allait jouer à Guilvinec, il allait jouer à la Nestère. Il avait des contrats pour toute l'année. Les jeunes rockers n'avaient pas. Donc il y a eu une espèce de gagnant-gagnant. Ils étaient contents de faire leur rock parce qu'ils leur trouvaient des contrats. Et lui, il continue à faire son business avec les rockers. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, vous trouvez dans le bouquin, tout ça c'est explicité. Un autre groupe important est Evolution, là, avec Jacky Stéphan, le chanteur, avec sa belle tenue à la Procola Room. Pour la petite histoire, sa mère a acheté, c'est du tissu de rideau que sa mère a acheté au marché de Pont-l'Abbé. Et c'est la mère Adic qui a dû faire la tunique, qui était une excellente couturière. Voilà, hein, ça a de l'allure, hein. C'est du tissu de rideau. Un autre groupe important, les Celtes. Voilà, quand les Jerry se sont terminés, les Jerry sont repartis vers d'autres cieux. Lily Renard est toujours restée là, Lily. Lily, il a repris d'autres rockers. C'est les Celtes ici. Des anciens des cratères, notamment. Gabi Hippolyte, là, qui est aux États-Unis. Voilà, il a recherché des rockers. On retrouve Lily Renard ici. Ça, c'est un ancien Jerry aussi. Voilà, et puis un saxophone, on ne sait plus son nom. Voilà. Voilà, ça c'est une caractéristique sociologique entre guillemets des rockers du monde rock au pays Bigoudin. Autre chose, alors ici les Walsing qui étaient à la fin des années 60, 68, 69, 70, avec le leader, le chanteur était Jean-Jacques Doiré hein, de Plouinec, il y avait la moitié des gars du Cap, moitié des Bigoudins. Résus, ben on retrouve Dick ici, hein, à droite, en haut. Autre groupe qui a plutôt fonctionné après au début des années 70, Résus, hein, vous voyez, donc. Mais quand même, quand on regarde toutes ces photos, il n'y a pas quand même 50 musiciens. On retrouve un peu souvent les mêmes, quand même. Voilà. Le style n'est plus le même. Vous voyez, regardez, les cheveux ont allongé, ont poussé. Délire, un groupe aussi qui est de Guilvinec. Voilà, Délire. Bon, j'en ai mis quelques-uns, hein, voilà, les plus importants qui ont tourné sur cette décennie-là. Donc, Tous ces groupes-là ont fait les beaux jours des balles, quoi, des balles de noces. Un bal, c'était pas rien. Je dis que je vais dire un mot rapidement. Pour un musicien qui a fait ses bases dans un bal de noces, c'était pas rien, un bal de noces. Un bal de société. En nombre d'heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que les balles duraient très longtemps. À l'époque, hein, ça démarrait vers 9h, vers 21h, et jusqu'à 1h30, 2h, selon les endroits. Donc ça représentait pour l'orchestre ou le groupe qui jouait entre 50 et 80 morceaux. Ce qui est quand même important à travailler, parce que mettre entre 50 et 80 morceaux au point, c'est pas comme dans les concerts où vous voyez des grandes stars qui jouent au maximum 15 morceaux. Ça n'a rien à voir. Hein. D'autre part, on avait souvent des conditions de travail qui n'étaient pas les plus simples, à savoir des estrades où on était... comme les gens qui répètent à 15 dans la caravane. Sinon, c'était également une excellente école, parce que dans les balles, on jouait de tout. On jouait du rock'n'roll, on jouait du musette, on jouait de la variété, on jouait également du breton. On jouait également du breton dans les balles. Les musiciens de balles jouaient tous du breton. Et donc, pour le musicien débutant, ou même pour le musicien pratiquant, tout simplement, c'est une excellente école. Mais c'était une école qui n'était pas facile, parce que si on changeait souvent, comme on l'a vu dans les différentes affiches, bon, les groupes étaient à géométrie plus ou moins variable, il faut le dire. Donc on était souvent appelé en remplacement pour jouer dans un groupe ou dans un autre, mais bon, il n'y avait pas de répétition, il n'y avait rien du tout. Hein. Donc ça démarrait, ça finissait. Si on n'avait pas suivi pendant la soirée, on savait qu'on n'était pas repris. Hein. Donc voilà, tout se passait toujours comme ça. Il y a une remarque aussi intéressante qui a été faite par les propriétaires de salles de l'époque, hein, que j'ai rencontrés à l'occasion de la rédaction de mon bouquin. Pour un propriétaire de salle, le groupe idéal, entre guillemets, c'était le groupe moyen. C'est-à-dire, pas trop... Je schématise un peu, mais c'est pas tout à fait faux ce que je vais dire. Le groupe nul, qui était pas bon, n'apportait pas de clients. Les gens venaient pas au bal. On savait très bien qui était bon. Quand les Jerry's étaient quelque part, moi je rappelle, nous on faisait 100 bandes, c'était pas rien à l'époque pour aller les voir. On les suivait un peu, les Jerry's par exemple. On allait très très loin, nous, ici, pour les suivre. Le groupe nul n'apporte pas de clientèle. Le groupe trop bon, la vedette, les gens ne dansent pas, le regardent. Donc, ils ne picolent pas. Ils ne dansent pas, ils ne suivent pas, ils ne consomment pas. Et c'est pas bon pour un propriétaire de salle. Donc, ils voient un groupe qui est pas mauvais, qui est plutôt bon, mais pas trop pour que les jeunes restent comme ça. Et la première femme, la personne qui m'a fait cette réflexion, c'est la propriétaire, Madame Urquin, la Caravelle. Quand ils ont inauguré leur salle, on n'était pas dans les années 60, c'était la Vogue du Musette, c'était fin des années 50. Donc, elle me dit, j'ai fait venir Evia Turner, qui était une grande star à l'époque, pour inaugurer la Caravelle, qui n'est plus où il y a un Lidl maintenant à Plomeur, à Pendré. Elle me dit, oh là là, mais ça, déjà, la faire venir Evia Turner ici à l'époque, c'était pas rien, ça m'a coûté cher. Et deux, les gens sont restés la voir devant la scène, personne n'a dansé, personne n'a bu, on a pris le bouillon comme c'est pas possible. Confirmé par d'autres propriétaires de salles qui me disaient une vedette, c'est un groupe de balles, je dis. Bon, quand Vince Taylor est venu au ciné, tout le monde est allé le voir, c'était pas. Mais je parle des groupes de balles. Le bon groupe, un propriétaire de salle, c'est le groupe moyen. Voilà, en gros, entre guillemets, en schématisant un peu. Bon, je vais accélérer. Là, il y a le placard des festivals. Alors, à la fin des années, en 70, en France, là, c'est l'âge d'or, hein, des balles. Cet âge d'or va être freiné très sérieusement par un événement qui s'est produit, non pas ici, mais dans la région de Grenoble, à la Toussaint 70. À la Toussaint 70, le 5-7, un dancing dans la région de Grenoble a pris feu. À la Toussaint, il y a eu, je crois, trois quarts des jeunes, 140 morts, hein, dans le dancing. À la suite de cette quatre, de, oui, c'était un dancing, ouais, les trois quarts, il y avait 200 personnes, 180 ont été les jeunes, hein, le 5-7 près de Grenoble. À la suite de cet accident-là, l'État a imposé une mise aux normes importante pour toutes les salles en France, hein, des normes de sécurité. Donc ça, c'est valable partout en France. Hein. Donc le pays Bigoudin, forcément, particulièrement concerné compte tenu de tous les établissements qui étaient ici. Les mises aux normes étaient, bien sûr, onéreuses et beaucoup de propriétaires n'ont pas eu les moyens financiers pour se mettre aux normes. Donc soit ils ont arrêté, donc il y a une diminution du nombre de salles, soit ils ont transformé leur salle en discothèque. Voilà. Donc à partir des années 70-71, les jeunes rockers ont moins de salles, pour se produire. Tous ces groupes-là ont fait les beaux jours des balles, quoi, hein, des balles de noces. Un bal, c'était pas rien. Je dis que je vais dire un mot rapidement. Pour un musicien qui a fait ses bases dans un bal de noces, c'était pas rien, un bal de noces. Hein. Un bal de société. En nombre d'heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que les balles duraient très longtemps. À l'époque, hein, ça démarrait vers 9h. Vers 21h et jusqu'à 1h30, 2h selon les endroits. Donc ça représentait pour l'orchestre ou le groupe qui jouait entre 50 et 80 morceaux. Ce qui est quand même important à travailler, parce que mettre entre 50 et 80 morceaux au point, c'est pas comme dans les concerts où vous voyez des grandes stars qui jouent au maximum 15 morceaux. Ça n'a rien à voir, hein. Bon, d'autre part, on avait souvent des conditions de travail qui n'étaient pas les plus simples, à savoir des estrades où on était comme les gens qui répètent à 15 dans la caravane. Sinon, c'était également une excellente école, parce que dans les balles, on jouait de tout. On jouait du rock'n'roll, on jouait du musette, on jouait de la variété, on jouait également du breton. On jouait également du breton dans les balles. Les musiciens de balle jouaient tous du breton. Et donc, pour le musicien débutant, ou même pour le musicien pratiquant, tout simplement, c'est une excellente école.

Il y avait trois groupes qui étaient là, ce festival. Hein. Il y avait les Systèmes, dont on a vu tout à l'heure, les Wild Thing. Hein. Ça, c'était un groupe qui faisait beaucoup, beaucoup de Stone. Hein. 90% de son répertoire, c'est le Stone, avec voilà, les fameux Wild Thing, sur le toit du menhir. Sur le toit du menhir. Alors ça, c'était, voilà, c'était un... petite île de Wild, je ne sais pas. Bon, ben, c'était en tout cas, voilà, le rock n'était plus dans les salles de bal, il était en plein air. Quoi. Voilà, c'est l'ère des festivals. Et là, en 70, oui, il y a un peu plus haut dans le Nord Finistère qui a été organisé dans ce festival. Là, on n'est pas en retard. Ça avait bien marché. En 71, il va avoir lieu encore un deuxième festival. J'accélère un peu avec beaucoup plus de groupes. Et là, se passera à l'intérieur du menhir. Voilà, ça va durer, je ne sais pas, de toute l'après-midi, toute la soirée. Les Wild Thing, Time, c'est un groupe de Brest, que des groupes de régionaux. Hein. Les Goths, Sand, les Jerrys, Orphée, Pharaon, Dreamers, tout ça, c'est des groupes du Finistère. Je ne rentre pas dans tous les détails, vous avez ça dans mon bouquin, tout les précisions là-dessus. Avec élection de Mise Menhir. Ça fait. On est le 8 août 1971 à Plozévette, au Menhir, hein, à l'intérieur. Il n'y a pas encore le restaurant. Hein. Alors voilà, il faisait boîte aussi. Alors les Wild Thing, ça c'est l'intérieur du menhir. Mais j'ai visité la salle, il m'a fait visiter la salle il y a quelques temps. Il est encore là, il veut la réouvrir. Il y a encore le plancher, hein. Il y a encore le plancher. Et puis ça va réouvrir un jour. Voilà. Voilà. Alors, donc là on est à Plozévette. Et là, à partir de 72, le centre de gravité là, de la planète rock au Pays Bigoudin, il va se déplacer vers Plonihour. Le Fournil, le propriétaire du Fournil, Salin, va organiser en 72 aussi un festival en mai 1972 sur la route de Pont-l'Abbé. Maintenant, il y a des maisons là. Il y a plus de. C'est là qu'il avait monté un bar d'homme. Il avait monté un bar d'homme, et là aussi, il y avait des pointures. Hein. On est quand même au trou du à Plonihour, au bout du monde. Là, les vedettes étaient Zou. Zou de l'époque, après Michel Daidé, là c'est Bellamy, Yann Bellamy ou Bellamy, qui est un chanteur anglais qui a fait la deuxième partie du groupe Zou. Zou, c'est le groupe qui était formé par des Bretons, hein, des Bretons, les frères Hervé de Lorient. Les frères Hervé de Lorient, très très bons musiciens, qui ont fait une grande carrière après derrière des chanteurs. Hein, tous, y a pas beaucoup qui ont fait une grosse carrière. Qui a réussi, entre guillemets, Dan Arbraz. Dan Arbraz, bon, dans la Bretagne, dans le sel, Dan Arbraz, Marc Perru, qui était le batteur des Jerrys, qui a accompagné de nombreux chanteurs, même il a fini par Sheila, même. Il a joué dans beaucoup de groupes de pop françaises importants. Marc Perru, qui encore, qui a fait une carrière nationale, hein, pour, il n'y a pas grand monde, hein. Je crois pas, hein. Non. Je vois Marc Perru et Dan Arbraz. Voilà. Qui ont fait une grosse carrière professionnelle après. Donc, alors, il y avait donc Zou, à l'époque, il venait d'accompagner Ferré dans La Zenana sur un des 10 importants de La Solitude, je crois que c'est le 33 tours de Ferré. Il avait pris Zou, hein, qui sont venus à Plonihour, là, sous le barnum. Alors là, il y avait des groupes régionaux. Toi, tu étais Dick, là, tu es peut-être sur la formation, voilà, un ancien des Jerrys et Jackson de Pont-l'Abbé. Mais les grosses vedettes, c'était les Zou. Les Zou qui venaient de Paris, hein, ils étaient basés à Paris, Zou, hein. Et donc, alors, il y avait voilà, le groupe de Lesconil, Orphée, de Plonihour, une partie de Plonihour, qui tourne encore. Orphée, on les voit là. Je ne sais pas s'ils ont dû venir l'année dernière, non, ici. Voilà, ils ont remis le son là, il y a 4-5 ans. Là. Voilà. Donc, ce festival a eu pas mal de succès. Je ne sais pas si tous les groupes ont été payés, mais bon, bref. Hein ? On a eu du mal. Bon, alors, Salin a remis la gomme 2 mois plus tard, au mois de juillet. Il a fait un festival sur le modèle de Woodstock, complètement à l'extérieur, qui a duré 3 jours. On est toujours à Plonihour. Ça, c'est la route de Plogacel-Saint-Germain. Ça a l'air de rien comme ça. C'était quand même une scène qui sont venus là les meilleurs groupes de pop du moment. Hein. Il y a eu Martin Circus, Triangle, Variation. La vedette était Demise Roussos. Demise Roussos, qui était une superstar à l'époque, hein. Faut pas le voir maintenant. Il avait quitté Aphrodite Child, il avait son titre qui cartonnait au niveau mondial. Louis Chaldan, c'était la superstar, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Alors voilà, ça c'est les premiers arrivants, ça va durer 3 jours. Voilà, on est sous le modèle de Woodstock, les gens sont sous des tentes. C'est une autre ambiance, ouais, les cheveux sont plus longs.